Hey, wow. Racconto sempre le stesse storie, perché ancora la stessa vita. La fame nessuno me la toglie, neanche una bella vita. E non parlare con me, e non parlare con me. Le vorrebbe solo finire con me. Vede la squadra e capisce perché. Ti devi dei soldi e non ti fai più vivo. Metti il cappuccio quando sei in giro. Dici che spacchi ma non ti si caga di striscio. Lei mi dice, Jolly t'ammiro. I tuoi ricci sono meglio dal vivo. Tutto questo per un extra, oh mio Dio. Ok, tu non sei dei miei. Cosa faresti per la fame? Un giorno dopo non sai, sai, non so chi sei. Ok, cosa faresti per la fame? Io non sono per la tua tape. Se non ti parlo perché sei fake. Io so, se non ci lo sai. Rabo la moco d'ogna, pa je sais que tu le sais. Oh, pas là, crois pas tes ressens. Tu veux que apporterai, on a trop la flemme. Oh. Fais tourner le plafond, qu'on dame, on dormira quand on sera mort. Des kilogrammes, j'y pense encore. Jette le terre par la window. J't'ai coqué, t'es pas ma pinko. Là pour l'aventure, mes lingots. Les femmes qui me rendent dingo. J'suis dans le vaisseau. J'ai deux bigots. Un pour les potes, un pour le client. Ma tenue naïve brillante. Marche dans la bouche, chemin brillant. Chaque service payant. Chargé et mon pilon, tout est beau, son pile épilogue. Quatrième épisode. Chalal, le plug, tu sors. Riche ta grille là, ce fort. Pour la casse-tête, ça c'est fait. Lyonzo, c'est nous, tu le sais. Rabol la mocodone, y'a pas, je sais que tu les saignes. Oh, pas là, crois pas tes leçons. Tu veux que apporterai, on a trop la flemme. Oh, Lyonzo. C'est nous, tu le sais. Rabole la moque de n'y a pas, je sais que tu le sais.